Enfin. Draft est fait. Football. Fin de semaine prochaine. J'ai hâte en tabarnak. Okay, ouais, c'était bien le fun hier. Merci à tout le monde d'être venu. Genre, je pense que ça a bien fonctionné là, avec le board, tout ça. Il y en a qui prennent du temps à choisir leur pick, mais c'est chill. Au moins, à ce tout le monde. C'est. Tout le monde se connaît un petit peu là, parce que. Tu sais, mettons, genre. Simon, il a jamais vu Malo, c'est des affaires de même, mais c'est pas tout le monde qui se connaissait. Fait que là, au moins, je sais pas, je pense que. Genre, je rends ça avec un petit peu plus de rivalité là. Fait que, ouais, merci à tout le monde d'être venu hier. J'ai bien aimé ça. En espérant pouvoir refaire ça l'an prochain là. Que les équipes sont faites. J'ai le board devant moi là. C'est intéressant. C'est pour le moins intéressant. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire, tel que promis, un power ranking. Donc je vais aller de 10 jusqu'à 1. C'est des équipes que je pense qui sont mieux placées pour gagner. Après ça, je vais preview les match-up de Week 1. Donc, par exemple, moi contre les Sinners, je vais aller à dire qui a l'avantage de chaque position, dire qui je pense va gagner. Puis, c'est ça. Après ça, ça va être le temps de. Oh, fin de semaine, il y a des games. Mais ça fait longtemps, là. Ouf. En tout cas, ok. Je vais me concentrer, là. Donc, je vais commencer le top 10 tout de suite. Puis, à numéro 10, c'est. Mofo. Je veux dire, le pick. Aaron Rodgers en première ronde, c'est pas acceptable. Oui, il va avoir des grosses semaines, mais non. Tu peux pas prendre quelqu'un qui met en première ronde. Romain, il a pas l'air trop préparé, là, mais c'est correct qu'il n'y a pas eu le temps. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a du temps pour ça, mais Aaron Rodgers en première ronde, j'ai bien de la misère. Julio Jones en deuxième ronde, ça va. J'ai de la misère. Hey, si tu me disais que j'allais en saison avec mes running backs, ce serait Jai puis Lynch. Ouf. Je sais pas, man. Zachary Stiden, c'est bon. Mais hey, Golden Tate puis Funchess, ouf. Wide receiver 2 puis 3, là. Je pense qu'ils avaient enlevé de mon board, ces gars-là, genre. Pour les avoir vus jouer les dernières années, là. En tout cas, j'ai de la misère. J'aime les picks, j'aime les Seahawks picks, surprenamment. J'aime Rashad Penny en 8e round. S'il peut donner le lead back, parce que je pense pas que Chris Carson va rester là pendant longtemps. Un choix de 7e round, Chris Carson. Chris Penny était pris en première ronde cette année. Il n'a pas pris en première ronde pour lui donner 3 carries par game. Là. Puis Tyler Lockett, c'est un de mes sleepers. Fait que ces deux picks-là, j'aime. Mais comme je te dis. Wide receiver, c'est moyen. C'est Julio, il est là, mais les deux autres, je les aime pas. Running back, c'est je pense que c'est le plus poche groupe de running back de la ligue. Ouais. Aaron Rodgers, c'est Aaron Rodgers, Zach Ertz, Julio Jones, ça donne un certain floor à chaque semaine, c'est sûr, mais. Ouch. Non, je sais pas. J'ai de la misère. Tu sais, n'importe quoi peut arriver, là. À chaque année en fin de si, genre, t'as l'impression que une équipe va être poche, puis ils sont bons. Tu sais, mon power ranking, il illustre aucunement qu'est-ce qui va se passer, là. Mais. Ouais. Non, c'est sûr. Romain 10e, c'est un no-brainer. Sorry, buddy, là. Mais écoute, on va voir qu'est-ce qui va se passer, là. Il y a 6 équipes qui font un playoff, hein. Fait que tout le monde peut y faire. C'est clair, là. 9e place, ça serait. Eh oui, c'est mon oncle, Steve, voyons donc. C'est... Hey, le gros. Fait que j'espère que vous avez tout apprécié mon oncle hier. Ceux qui étaient déjà dans la ligue, c'était pas mal comme vous l'imaginiez, là. C'est un personnage, mais il est divertissant. Puis je regarde son équipe. Sérieux, Saquon Barkley et Joe Mixon, genre j'aime, ok? Je pense que c'est un excellent duo. Je suis pas un fan d'avoir Joe Mixon et AJ Green parce que je pense pas que les Bengals sont une high-powered offense. Fait qu'avoir le top running back et le top wide receiver, j'aime pas trop ça. Drew Brees en quatrième round, non. Ah, il a-tu pris des prêts avant Russell Wilson? Non. Ok, il a été pris deux picks après. Mais avant Watson, Brady, puis Brady. Genre, je pense que Breeze va avoir une meilleure saison au niveau du fantasy que l'an passé, là. Mais un fourth round pick, je suis non. Là. Brandon Cooks en cinquième, ça va. Moi, je l'aimais quand même. Crabtree en sixième, un petit peu haut pour moi. Cousins en septième. Pris deux QB dans les top 7 rondes, là. C'est juste noble, là. On en start, tu peux pas en mettre deux. Je veux bien, là, mais il dit qu'il va faire des trades. Bonne chance avec ça, là. Trey Burton en 8e, je suis cool avec ça, je l'aime quand même. Le Demaryius Thomas en 9e, c'est quand même du très bon value, là. Puis après ça, t'as Hurst, Parker, puis Latavius Murray. L'affaire, c'est que, tu sais, il y a 3 running backs seulement, là. C'est 3 top picks, Barkley, Mixon, Green. Ils ont tout un bye week 9. Fait que, tu sais. Puis son troisième running back, c'est Latavius Murray qui honnêtement, il n'est pas garanti de faire grand-chose. Fait que j'ai des gros problèmes avec le running back depth de son équipe. Wide receiver, Green, Cooks, Crabtree, Thomas, ça va être underrated, c'est quand même un bon groupe. Mais choisir deux QB dans les top 7 rounds, il y a juste des grosses erreurs. Puis il y a juste des grosses erreurs dans le draft de cette équipe-là que je peux pas. Faut pas me mettre ça en haut de d'avant-dernière place. C'est impossible. 8e place. Paris El Potato, Emilien. Antonio Brown, Kareem Hunt. C'est un bon début. Il n'y a pas grand monde qui sont plantés dans leurs deux premiers picks, là. Genre à part Romain qui est Aaron Rodgers en première ronde. Mais t'sais. Brown pis Hunt, c'est solide. Shady en troisième, bon, c'est un risque, là, mais il est tout seul là-bas, fait que. Mais avoir Brown pis Juju, c'est fort qu'il échange Juju d'après moi parce que j'aime pas ça. Greg Olsen en 5, moi j'aime pas Greg Olsen honnêtement cette année, là, mais Garo, c'est correct. Andrew Luck en 6, c'est tout en maudit, là. Genre, je voulais Andrew Luck, mais comme en 9e, 8, 9e. Pas en 6e. Alshon Jeffrey, je veux dire, il est blessé, là. Il est pas sûr. Burkhead en 8e, ça va. Je pourrais avoir de problème avec ça. Garçon en 9e, sure. Stafford en 10e, 2 QB dans les top 10 rondes. Encore là, j'ai de la misère, là. Surtout qu'il y a déjà Luck. Mais il va avoir deux bons QB, mais c'est. Il aurait dû prendre un backup avec son dernier pick. Après ça, Riddick pis Sanu, ça c'est des gars qui s'en vont sur le waiver wire, qui vont être droppés dans pas long. Fait qu'overall, cette équipe-là, Brown c'est bon, mais avec Juju, il pourra pas tirer le maximum de points qu'il peut là, à chaque semaine, les millions là. Puis Jeffrey est blessé. Garçon, j'ai jamais vu Garoppolo, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est Goodwin le numéro 1. Mais ça, on va voir. J'aime pas le tight end. Hunt, McCoy, Burkhead, ça va. C'est pas écœurant, mais ça va. C'est solide. C'est comme je te dis, ouais. QB, c'est bon. Comme je te dis, wide receiver, tight end, j'ai de la misère. Puis je veux dire, ces deux derniers picks, c'est. C'est juste des gars qui sont. Je te garantis qu'ils sont plus dans son équipe à la fin d'année. C'est des gars qui sont comme ok, sont là, mais ils n'auront jamais de gros impacts. On sait c'est qui Theo Riddick, c'est un third down back à Détroit. Ça fait des années c'est le même. Personne ne start jamais. Mo Sanu. Non, lui aussi, il est juste là. Il fait comme 6-7 points par semaine. C'est correct. Mais il n'est pas vraiment excitant à starter. Là. Donc, ça c'est trois équipes-là. Ce serait pour moi le lower tier d'équipe. Donc, le tier 8 à 10, je pense qu'il est clairement défini. Après ça, là, ça commence à être dur à classer. À 7e place, je mettrais Sophisticated Sex Robot. Excusez-moi, monsieur Anctil, mais c'était dur. Mais je pense que ça devient, au niveau de plus des préférences, ça devient plus personnel au fur et à mesure que ça va monter dans la liste. Tu sais, Kamara, c'est cool. Devante Adams, beaucoup d'upside. Gronk, third round, moi, j'ai pas de problème avec ça. Après ça, c'est, je sais pas, man. Royce Freeman, je l'avais dans 5e. J'aime pas. Parce que d'habitude, les running backs qui finissent avec une bonne fantasy season, c'est des running backs de bonnes équipes. Puis je pense pas que Denver, c'est une bonne équipe. Surtout que le coach a l'air assez stupide pour dire, oh, il a même talent que Devontae Booker. Fait que tu me dis le co-running back d'une équipe pas super bonne. Je sais pas. Pour être mon running back 2, genre Freeman, j'aurais pris pour mon flex. Chill avec ça. Mais running back 2, il me fait peur un peu. Fitzgerald, wide receiver 2, c'est pas excitant, mais ça va. Tu sais, c'est correct. Goodwin, je sais pas si le hype va être translated dans saison. Peut-être, gars. C'est un flex adéquat, si jamais, là, j'imagine. Hey, Rivers en 7, là, c'est un reach, là. Rivers, je le voulais, mais en 11e, genre. Non, Rivers. Tu sais, c'est parce que Simon, t'es un petit peu tombé dans le piège, là, que le monde prenait les QB, fait que tu pensais qu'il va être entraîneur. Le prochain QB qui a été pris après ton pick de Rivers en 7e, c'est Stafford en 10e. Puis personne n'a pris de QB après ça. Il n'y avait aucun rush d'aller chercher. Même si Rivers était ton guy, là, t'aurais pu le prendre en genre minimum 2-3 rondes plus tard. J'ai le pick. J'aime Rivers, mais j'ai le pick. Green Bay Backfield, je vais pas y toucher. Fait que Jamal Williams. J'imagine, vu qu'Aaron Jones est suspendu pour 2 semaines. Il va avoir des opportunités, mais je trosse pas le Green Bay Backfield. Aguilar, reach, mais l'opportunité est là. On va voir ce que ça va donner. Carson, comme j'ai dit tantôt, je pense pas qu'il va toffer longtemps. Crowder, j'aime, en 11e round. C'est chill, ça va. Je pense qu'avec Alex Smith, ça va marcher. Puis Keelan Cole, les receivers des Jaguars, c'était comme choisissant un, puis espère que ça va fonctionner. Moi, je pense pas que ça valait la peine d'en choisir un, là. Mais yeah, c'est le choix de 12e ronde. Il va sûrement être droppé dans le pas long. Anyway. Ouais. Fait que là, l'équipe overall, je pense que les running backs, c'est une faiblesse. Alvin, c'est mon boy, là. Mais Freeman, Williams, Carson, j'aime pas le depth de ce groupe-là. C'est Gronk, Tyden, c'est parfait. Rien à dire. 3e ronde, comme je l'ai dit tantôt, ça va. Rivers comme ça, QB, puis choisi en 7e. Si t'avais choisi Rivers en 10, 11e, j'aurais dit ok, c'est good. Mais non, là, ça passe pas. Puis wide receiver, c'est bon. C'est ton meilleur. À part tight end, c'est ton meilleur groupe. Mais c'est pas un excellent groupe. C'est un groupe solide. Adams, c'est quand même un risque. Beaucoup de commotion. Pas beaucoup de verges garanties. Je pense qu'il n'y a jamais eu en haut de 1000 verges. Mais non, c'est ça. C'est une équipe qui va compétitionner, c'est clair. Mais je suis pas prêt à dire que c'est un que ça va être un des top dogs. Mais vraiment pas, là. Fait que j'espère que je me suis assez bien expliqué pour que tu comprennes mon point de vue, Simon. 6e place, je mets argent et vote ethnique. Tu sais, pour un. Tu sais, Monette s'est préparé, là. Il connaissait pas vraiment rien au football, là, un an. Puis, tu sais, là, ça paraît qu'il a fait ses recherches, puis tout, parce que son équipe. Il y a de l'allure. Et Hopkins, Fournette, Kelsey, genre, ces trois, même Thielen, les quatre premiers picks, là, j'aime beaucoup, ok? Surtout Hopkins, Fournette. Je pense que les deux ont des grosses saisons. Kelsey, j'avais mes doutes, mais il est très safe, là. Même Thielen aussi, il est safe. Je pense pas qu'il va exploser, rien de ça, là, mais. Tu sais, il est correct. Tu sais, le reste que j'ai un peu de misère. Je sais que Ingram, c'est un gamble. Mais là, tu l'as pas pour 5 des 6 premières semaines. Fait que si ton running back 2, c'est Kenyon Drake. Après ça, t'as Lewis puis Coleman. Écoute. Ouais. Tu sais. Je trust pas Kenyon Drake. Genre, je pense que Kenyon Drake il est bon. Je trust pas les coachs à Miami, genre, pour lui donner assez de work pour qu'il soit genre. C'est un top 15 running back. Deion Lewis, c'est un scat. Deion Lewis puis Coleman, c'est comme un petit peu les third down backs. Ça. Ben, pas Coleman, mais c'est des gars qui, clairement, qui sont pas les running backs primaires de leur attaque. Fait que c'est pas vraiment excitant. Watkins en 10e, j'aime le pick, là. Nick Chubb, tu l'as déjà droppé, là. Ça, on savait, anyway. Avec 5. Ok, avec 5 sur le bench, tu peux pas drafter avec l'intention de pas jouer un gars toute l'année juste pour le garder en keeper l'an prochain. Ça vaut pas la peine. Pas avec 5 sur 2. Pas avec juste 5 bench. Pour ça, j'en ai mis juste 5. Enfin, je veux pas que genre le monde. Si j'en mettais 6 et plus, je veux pas que. Je veux que ça soit fluide, une situation fluide. T'sais. Je veux que le monde soit obligé de faire des changements puis tout. Fait que c'est pour ça que t'sais, j'ai dit quand il a drafté Nick Chubb, il dit c'est pas le futur, je suis comme non. Non. Il va être droppé dans pas long, là, t'sais. Ok, fait que ça, je vais regarder par position là. Hopkins, Thielen, Gordon, c'est chill. Avec Watkins, c'est un bon groupe. J'aime le groupe. Fournette, Ingram, Drake, Lewis, Cole. C'est un groupe qui me fait peur, ça. J'ai pas vraiment confiance dans ce groupe de running back là. T'sais, puis je sais, moi, je suis pas prêt à dire que quand Ingram va revenir, il va être aussi bon que l'an passé. Peut-être là. Mais c'est quand même un gamble, veux pas, t'es pas garanti. J'aime le tight end, puis Jimmy G à QB, il est déjà de ramasser Mariota aussi parce que Jimmy G joue à Vikings, c'est pas un très bon match-up, là, week 1. Ouais, j'aurais peut-être pas pris Jimmy G, mais en tout cas, c'est QB, lui aussi attendu à la fin là, pour le choisir, fait que je vais pas vraiment commenter du QB. Écoute, c'est une équipe qui pourrait être dangereuse down the stretch. Qui pourrait faire des. Si Ingram est aussi bon que l'an passé, pourrait faire des dommages en série, là. Donc, tu sais, je garde définitivement un œil sur cette équipe-là. Comme je te dis, comme les équipes 1 à 7 devraient toutes être compétitives. J'aime. Il y a quand même pas mal de parité, là. J'aime ça. Fait que ça, c'était la 6e place. 5e place, je mets les Sinners. Séparément, Melvin Gordon, Keenan Allen, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup, mais je suis pas un fan du Chargers stash. Premièrement à cause des bye weeks simultanés, ça c'est pas tant nice, mais juste, je vois ça limite le ceiling que tu peux avoir à chaque semaine. Je pense que les Chargers c'est une bonne attaque. C'est pour ça que j'ose pas ça comme j'ose le Mixon puis Green combo. Je pense que Gordon Allen, tu sais, il va être correct. Il va pas dire, oh non, faut que je me débarrasse d'un des deux. C'est juste que je sais pas, moi personnellement, je trippe pas là-dessus. Tu sais, mettons Julio Jones, Devonta Freeman, des affaires de même. C'est pas ça que je préfère. Mais je regarderais si Dalvin Cook en troisième ronde. Dalvin Cook a pas mal droppé. Que ça, c'est du bon value. Russell Wilson, quatrième. C'est tôt un petit peu, mais écoute. Il fait des pales de points là. Il va être tout seul. Faut il faut qu'il fasse ses affaires, Russell. Fait que. C'est correct. Chris Hogan, il va être tout seul pour 4 semaines en 5e. Fait que ça va. Corey Davis, c'est un breakout candidate. Il pourrait rien coller ici comme il pourrait avoir une excellente année. Mais en 6e round, c'est chill. Je suis correct avec ça. Carlos Hyde en 7e. Ouais, ça va là. Starting running back. Je sais pas à quel point ils vont se piquer avec Nick Chubb, mais il a l'air clairement avec le starter. Aaron Jones en 8e. Suspendu 2 games. Tu mises sur le talent, parce que je pense qu'il est plus talentueux que Williams. Mais comme je dis, il suspend 2 games. Puis lui, c'est plus un gamble. Will Fuller, j'aime. Pas beaucoup de reception, mais c'est un touchdown machine en passé. Fait qu'il va être worth un flex de temps en temps. Marlon Mack, la situation à Indianapolis, tu sais, comme je dis, c'est comme Aaron Jones. C'est un gamble. Xavier a pris ses shots. Hopefully, pour lui, il y en a un qui va pay off. Sterling Shepard, c'est boring pick. D'après moi, il va se redropper dans pas long, là, mais en attendant, il est là, puis il va peut-être faire des points, mais il y a beaucoup de targets dans l'attaque des Giants que pense pas que Sterling Shepard va starter une game pour une de nos équipes cette année. Puis là, la faiblesse à tight end, George Kittle avec le choix de dernière ronde. Il y a du potentiel là. Il s'est séparé l'épaule pendant la preseason, mais il devrait revenir pour Week 1 de ce que j'ai vu. Ça pourrait être un bon pick, mais c'est définitivement la faiblesse de son équipe présentement. Gordon, Cook, Hyde, Jones, Mack, j'aime le groupe de running back. Ouais, c'est solide. Allen, Hogan, Davis, Fuller, Shepard. C'est bon. Tu mises beaucoup sur Corey Davis puis Will Fuller. Je pense que Hogan puis Allen vont être. Tu sais, Hogan, je pense pas qu'il va être relevant toute l'année. Fait que, tu espères que Corey Davis break out. Parce que sinon, ce groupe de receivers-là va être un problème pour ton équipe, ils savent, là. Fait que ça, c'est ton équipe. C'est une équipe intéressante, là. Des coupes de breakout de candidates à running back puis à wide out. Je l'aime. Ça, je l'ai mis cinquième, là. J'aime l'équipe. Puis Russell Wilson, avec son rushing ability, il est très safe, là. Quatrième, je mets les Junkies. Vince, une solide équipe all around, là. Johnson, première ronde, ça va. Thomas, en deuxième ronde, j'ai pas de problème avec ça. Howard, en troisième ronde, au milieu de la troisième ronde, c'est du bon value, je pense. Là, parce que moi, je le mettais quand même haut. Je pense qu'ils vont avoir une bonne année dans la nouvelle attaque. Donc vraiment bon. Baldwin, il est blessé, mais au milieu de la quatrième, c'est quand même du bon value. Brady, en cinquième, tôt pour moi. Je pense pas qu'il va avoir une écœurante saison. Puis même là, tu sais, cinquième ronde, je trouve ça tôt pour Brady. Robinson en sixième. Robinson, en sixième, ça vaut la peine de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Moi, je trace pas Mitch Trubisky, hein, by the way. Fait que je l'ai déjà dit, là. Fait que je peux pas dire que Robinson, je pense qu'il va avoir une grosse saison. Rudolph en septième, c'est tôt pour un tight end que je pense pas qu'il va avoir beaucoup de volume dans son attaque. Mais Kirk aime ça passer au tight end, fait que ouais, pourquoi pas. Peyton Barber, je sais pas combien de temps il va être relevant. Pour l'instant, il l'est. Fait que tu peux lancer lui ou Robinson dans ton flex pour commencer l'année. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Kerryon Johnson, je le voulais. Mais comme je te dis, lui c'est comme je te dis, c'est comme Aaron Jones, Marlon Mack, puis une couple d'autres joueurs que je vais nommer tantôt. C'est tu stash, puis t'espères qu'il va devenir the guy, tu sais. Parce que devant lui, il y a LeGarrette Blount, Ameer Abdullah, Theo Riddick. En ce moment, tu peux pas starter Kerryon Johnson. Fait que, tu sais, mais je pense qu'il est talentueux, mais on va voir ce que ça va donner. Robbie Anderson, les Jets, ça va. Je sais pas si Darnold, il l'aime bien. Lui, ça, c'est wait and see. Calvin Benjamin aussi avec Peterman, tu sais, il va pas être excellent, mais. Il va peut-être être droppé dans pas long, je sais pas. T'sais, il va pas faire beaucoup d'affaires, Benjamin à Buffalo, je crois, cette année, mais c'est le premier wide receiver. Fait que, bon, et pourquoi pas. Puis Mahomes avec le dernier pick pour backup Brady. J'aimais Mahomes, j'hésitais entre lui puis Roethlisberger, là. Je pense qu'il va. Puis il est capable de rusher, fait que je pense qu'il va faire quand même pas mal de points. Mais anyway, t'as Brady, mais Mahomes, c'est un solide backup. Même si ça se peut qu'il reste pas sur ton équipe toute l'année, là. Parce que souvent, nos trois derniers choix, là, il y a des bonnes chances qu'ils soient tous droppés pendant la saison pour aller ramasser des gars parce qu'il y en a qui sont en bail et des affaires de même. C'est comme je te dis, j'ai mis juste 5 joueurs sur le bench pour que ça bouge, pour que personne hold sur un joueur toute l'année par exprès. C'est pas ça que je voulais. J'en disais combien de temps, là? Ok, 25 minutes. Troisième place, écoute, je suis capable d'être humble, hein. J'ai mis mon équipe en troisième place. Parce que je mentirais si je disais que le draft est allé exactement comme je voulais. C'est pour ça que j'ai hésité sur plusieurs de mes picks parce que mais les trois premières rondes sont allées à peu près comme j'envisageais. C'est Zeke, c'est sûr, j'ai mon keeper. Pendant toute l'été, quasiment, je voulais Dalvin Cook, mais là, récemment, sa O-line, c'est de la dompe. Latavius Murray est impliqué. J'aimais juste. Puis McCaffrey, il y avait le bulk des carries, même dans la red zone pendant preseason. Je sais que c'est preseason, mais je trouvais ça encourageant. Fait que McCaffrey, c'est lui que je visais. À moins que Fournette droppait à moi, là, je prenais Fournette. Mais c'est McCaffrey que je targetais de façon, t'sais, un point de vue réaliste, là. Donc, je suis content avec mon pick, c'est ça que je voulais. J'hésitais pour mon premier wide receiver entre T.Y. Hilton et Stephon Diggs. Mais ultimement, il y a beaucoup de targets à Minnesota, fait que je suis allé avec Hilton. Je suis content d'avoir Hilton comme mon premier wide receiver. Je pense qu'il va être solide, là. Si Luck reste en santé toute la saison, je pense pas qu'il est super risqué. C'est pas mon choix qui est très bon. J'hésitais soit je prenais mon wide receiver 2 ou je prenais un gars que je considérais comme un excellent troisième running back. Puis c'est ça que j'ai fini par prendre, c'est Derrick Henry. Est-ce que Monette il m'appelle? Ouais, tantôt Money, désolé. Ok, ouais. C'est ça, Henry, ouais, Henry c'est mon flex, c'est le goal lineback à Tennessee. Je pense qu'il va break out cette année, je l'aime bien. Fait que là, il a fallu que je prenne mon deuxième wide receiver la ronde d'après. Ça a donné à être Jarvis Landry. T'sais, pour avoir regardé Hard Knocks, on a l'air vraiment d'aimer Landry, ça a l'air d'être vraiment t'sais, le primary target là-bas. Mais, t'sais, Josh Gordon est revenu. J'ai pas tant de confiance en Landry, mais il est quand même safe, t'sais, surtout avec Tyrod Taylor. C'est juste qu'il est pas ultra excitant. T'sais, tu sais qu'il faut pas finir dans le top 5, là, ou dans le top, même pas dans le top 10 probablement. Mais gars, il est là, il est safe, whatever. Jimmy Graham, là j'ai buy-in dans le hype, là, on va voir ce que ça va donner. Je pense être un touchdown machine à Green Bay. Je suis quand même content de Jimmy Graham en 6e, ça va. J'ai pris Sony Michel après. Écoute, les Pats ont investi un choix de première ronde dans ce gars-là. Je sais que c'est un running back à New England, c'est dur à faire, à truster. Mais je pense qu'au fur et à mesure que l'année va avancer, tu vas voir que Michel va donner un rôle de plus en plus important dans l'équipe. Puis, ultimement, je pense qu'il pourrait. Ça, c'est un des gars que je compte. T'sais, je parlais des gars qui pourraient break out dans les autres équipes tantôt. Moi, mon gars, un de mes gars pour ça, c'est pas le seul, mais un de mes gars pour ça, c'est Michel. S'il commence bien, il pourrait finir l'année comme un running back one. C'est ça que j'essaie de dire, là. Le potentiel est là parce qu'il est dans une bonne attaque. Puis s'il se fait donner une bonne quantité de carries, puis s'il s'occupe de la goal line, il pourrait avoir une assez bonne année, mais comme je te dis, c'est un risque, là. Mais vu que j'ai déjà Derrick Henry, je suis pas obligé de starter Michel de tout de suite du tout, là, t'sais. Il va rester sur mon banc jusqu'à ce que pendant au moins une couple de semaines pour jusqu'à ce que je vois qu'est-ce qu'il peut me donner. Pour ça, Cooper Kupp, je l'aimais bien l'an passé, safe, des red zone target, lui puis Goff, ils ont une bonne connexion, surtout en half PPR. Ça me dérange, je vais pouvoir le mettre des fois à place de Landry, je sais pas, le throw dans mon flex. Un bon safety blanket, Cooper Kupp, j'aime. J'ai pris shot sur Edelman en 9e. Quand il va revenir de sa suspension, je pense être le premier wide receiver à New England. Je me rends compte que j'ai quand même une coupe de pattes, ça. Ce qui m'est pas arrivé dans les autres années. Mais non, Edelman en 9e, je peux mettre comme wide receiver 2 ou comme flex, quand il va revenir, ce serait vraiment. Je vais être satisfait. Parce que là, en ce moment, je pense que j'ai une assez bonne équipe pour pouvoir survivre 4 semaines sans lui, là, facilement. Mais quand il va revenir, je suis ça de près. En 10e, j'ai pris Ronald Jones. Lui et Sony Michel, c'est mes deux breakout guys. C'est les deux recrues que j'espère qu'ils pourront exploser pendant l'année et que je pourrai garder l'an prochain pour pas trop cher. Mais tu sais, Ronald Jones était horrible en pre-season. Apparemment, Peyton Barber, c'est le starter, mais ils l'ont pris en deuxième ronde. Il va avoir sa chance, Ronald Jones. Et comme je te dis, s'il fait rien, il fait rien, il fait rien, ben je vais le dropper un moment donné. Mais pour l'instant, je le hold, voir que ça va donner à Tampa Bay. Parce qu'ils vont lui donner sa chance. Ils ont investi un choix de deuxième ronde. S'il peut faire de quoi avec son opportunité, il a une chance de donner le lead back à Tampa Bay. C'est Peyton Barber et Jacquizz Rodgers. C'est pas des gros noms. Puis les Bucks, ils veulent que Ronald Jones devienne le workhorse. Ils vont avoir sa chance. Okay, je vais surveiller ça. Je suis content d'avoir Carson Wentz en 11e ronde. Je pense que c'est du très bon value. Je sais pas combien de games il va manquer. C'est pour ça que j'ai pris Big Ben avec mon dernier choix. J'ai pris deux QB. Je suis correct avec ça. Quand Wentz va revenir, je vais le starter. Puis. Je devrais être all set là, à QB pour le reste de l'année quand Wentz va revenir. Mais pour l'instant, je vais starter Big Ben. Puis, je suis pas trop inquiet là. C'est quoi, c'est. Les Steelers, ils jouent les Browns, les Chiefs, les Bucks. J'ai pas vraiment de problème avec ça là. Je vais mettre Ben, puis au pire. Ça me dérange pas. Donc, tu sais, je regarde. Parce que j'ai fait un peu plus longtemps sur mon équipe. Je vous ai donné plus mon thought process quand j'ai drafté là. Elliott, McCaffrey, Henry, Michelle Jones, j'aime beaucoup mes running backs. Je pense que tu peux faire un argument que c'est le meilleur groupe de la ligue. Mais ça dépend de ta perception. Mais je pense que mon groupe est solide puis il y a beaucoup d'upside en même temps. Henry, Michelle Jones, tu pourrais facilement les trois exploser. T'sais. Fait que j'ai pris des shots. Peut-être que ça va pay off. C'était le draft, ça sert à ça. Mes wide receivers, c'est pas ma force. Hilton, Landry, Kupp, Edelman. Mais si Edelman revient puis a beaucoup de targets, je devrais être correct. Landry, les Browns lui ont donné beaucoup d'argent. Il devrait être impliqué. Puis Kupp, il est super safe. Jimmy Graham, je pensais qu'il va avoir beaucoup de verges, mais je compte sur le fait qu'il va avoir beaucoup de touchdowns. Fait que ça, c'est à suivre. Puis Wentz, Roethlisberger, ben je suis satisfait de ça aussi. Fait que j'aime mon équipe. Ça aurait pu. Mon draft aurait pu être meilleur, mais comme je suis confiant que je vais faire les séries, puis il faut avoir contend pour le championship. Numéro 2, je mets Los Pogos. Écoute, ben c'est sûr que quand t'as Bell, puis tu peux garder Bell avec le 10e choix, ben ça donne des opportunités d'avoir des gars comme Odell Beckham. Marlowe est le meilleur groupe de wide receiver de la ligue et de loin. Je pense pas que c'est quelqu'un qui arrive proche, honnêtement, là, avec Beckham, Diggs, puis Hill. Ouais, ça fait peur. Newton à QB, c'est bon. Bell comme premier running back. Bell, il a pas encore report aux Steelers. Fait que les premières semaines, je pense que cette équipe-là va être battable. Je parle de l'équipe à Morrow, pas nécessairement les Steelers. Mais si Bell. Même la fin l'année passée, Bell a commencé très slow là. Fait que dans les premières semaines, je pense pas que Marlowe va se guette le 10$, tu sais. Je pense pas que Bell va être excellent, mais on sait pas, là. Peut-être qu'il va revenir et qu'il va tout chier. C'est sûr, le problème de cette équipe-là, autant les wide receivers sont bons, autant comme le reste des running backs, c'est un. Lamar Miller, c'est Lamar Miller, là. Il est là. Il est quand même constant, mais. Il n'est pas ultra excitant. Chris Thompson, c'est third down back des skins. Il joue juste sur third down. Si tu veux starter, ben, tu t'espères qu'il y ait un screen pour un touchdown. C'est pas mal ça. Alfred Morris et Niners, c'est lui, Matt Breda. Je sais pas si Morris aura une grosse saison. Peut-être. Moi, je l'aurais pris 4 fois plus tard, à la place de Ronald Jones, si Morris l'avait pas pogné. Fait que j'aime quand même ce pick-là. Ça, il y a Sanders puis Woods. Comme je te dis, ça vient fortifier. C'est du bon depth pour un groupe de wide receiver qui est déjà excellent. Cam Newton, Matt Ryan comme QB, j'aime ça aussi. Fait que, tu sais, la seule faiblesse que je pointe dans cette équipe-là, c'est la profondeur du groupe de running back, là. Parce que derrière Bell, je pense qu'il va être obligé de flexer un wide receiver toute la saison. Puis ça, c'est. Ça, des fois, ça va donner des grosses semaines, mais des fois, ça va couler tes semaines aussi parce qu'un wide receiver, c'est moins constant qu'un running back. Mais, non, c'est une équipe. Une équipe qui fait peur, là. C'est pour ça que je l'ai mis numéro 2, là. Le potentiel de. Une fois que Bell est revenu et est en shape, cette équipe-là pourrait faire ben des 10 piastres hebdomadaires là, avec Tyreek Hill, puis Diggs, puis Beckham, là, puis Cam. Il dit le ceiling est assez. Il fait peur, là. Et en première place, je mets Flying Pelicans. Sinon, t'as eu un très bon draft, honnêtement, là, j'ai pas grand-chose à dire. Gurley Freeman comme top 2 running back, c'est très solide. Puis Mike Evans et Amari Cooper comme les deux premiers wide receivers, c'est bon aussi. Genre, moi, j'aime bien ça, ces quatre premiers choix-là. DeShaun Watson à QB, on a vu l'an passé, là, il peut être monstrueux. Marvin Jones, wide receiver 3, j'aime ça aussi. Evan Engram, le tight end, c'était mon target. Si j'avais pas Graham, c'est lui que je prenais. Il était bon l'an passé, puis je pense qu'ils font une bonne année encore. Tariq Cohen, Alex Collins, Tariq Cohen, puis Isaiah Crowell comme running back 3, 4, puis 5. Man, c'est de la bonne profondeur, ça. Fait que tu peux mettre soit Marvin Jones ou Alex Collins en flex. J'ai aucun problème avec ça. Engram puis Njoku à tight end, c'est bon. Puis Watson puis Prescott, deux gars qui courent. C'est une bonne équipe, ça, man. T'sais, les wide receivers, les wide receivers, je pense que c'est la faiblesse. Mais c'est un bon groupe. Les running backs, c'est un bon groupe. C'est deux bons QB qui peuvent faire du 20 points à chaque semaine, au moins, avec la course. Puis, t'sais, les tight ends, c'est la faiblesse. Mais Evan Engram, moi, je l'aime cette année. J'ai pas vraiment de problème avec cette équipe-là, honnêtement. C'est solide partout. Ouais. Ça a pas la capacité explosive de l'équipe à Marlowe, mettons, là. Mais, overall, c'est dur de trouver un gros défaut à cette équipe-là. Pour ça, j'ai mis numéro 1. Mais ouais, c'est ça. Comme je dis, les équipes 1 à 7, donc de Simon jusqu'à l'autre Simon, ça va se taper sa gueule toute la saison, là. J'ai vraiment hâte. Les dimanches, là, les autres poules, ceux de Survivor, le Fantasy, puis en plus de voter pour ton équipe préférée, les dimanches, je deviens juste malade mental. Je suis plus tout là, je pense. Je flippe, j'ai des zones, je flippe entre chaque game, sur Red Zone Channel. Ouais, j'ai vraiment hâte que ça commence. Puis là, je vais checker je vais faire la prédiction dans le fond des match-ups, là. Fait que là, moi contre Zav, je pense que ça va être serré. Russell Wilson à Denver, j'aime pas le match-up tant que ça. J'aime mieux Ben à Cleveland, mais ça, je pense que ça va finir à peu près égal à QB. Elliott puis McCaffrey contre Gordon puis Cook. Honnêtement, ça, je mets ça égal aussi pour cette semaine parce que Gordon, c'est contre les Chiefs. Puis les Chiefs ont une défense de marde. Ouais, je mets ça égal. Hilton puis Landry contre Hogan puis Allen. T'sais, je pense que Landry puis Hogan, ça s'annule. Puis, ouais, léger avantage à Keenan Allen contre T.Y. Hilton parce que la défense des Chiefs, encore une fois, comme je dis, est horrible. À tight end, Graham contre Kittle, l'avantage, je pense qu'il va à Graham. Puis dans le flex, j'aime mieux Derrick Henry que Carlos Hyde. Mais, comme je te dis, je m'étais qu'il va pas être Carlos Hyde dans son flex, qu'il va être Fuller ou Davis, je sais pas. Écoute, je vais me prédire une victoire, mais si ça va être serré. Là. Écoute, je sais. Ça ne surprendrait pas que Xavi gagne, puis genre, j'accepterais la défaite parce qu'il y a une bonne équipe, puis j'ai pas vraiment de problème avec ça. By the way, je vais le faire un petit peu plus vite que d'habitude, mais dans les podcasts après, pendant les autres semaines, je vais peut-être aller un petit peu plus en profondeur là, quand je vais prédire des match-ups, mais là, je commence à être un peu écœuré de parler. Bon, Vince contre Simon Anctil. Brady River, je me sens à peu près égal parce que, comme je te dis, River contre les Chiefs. Johnson, Kamara. Mettons égal. Jordan Howard, Royce Freeman. Royce, c'est la misère de son nom. L'avantage à Jordan Howard. Doug Baldwin contre Larry Fitz. Je mets avantage à Baldwin. Ben, Max, c'est bon, c'est à Denver. Non, mettons égal. Michael Thomas sont devant T. Adams. Ça aussi, c'est égal. Rudolph ont Gronk, avantage Gronk. Dans le flex, les deux, ils mettent des running backs un petit peu. C'est Williams contre Barber, ça, mais je vais mettre ça égal aussi parce que je peux pas vraiment dire. Peut-être un petit avantage à Barber. Overall, je pense que j'aime mieux Vince pour gagner cette semaine, mais ça aussi, ça va être très très serré, là. Ils sont généreux dans les prédictions pour le nombre de points à l'équipe en titre, par exemple. Le 101, genre 15 de plus que ma team, vraiment. Genre. Quoi? Non. Je fais mon podcast. Je fais mon podcast. Leave me alone, dad. Non, ok, désolé. Ok, qu'est-ce que je disais? Ouais, déjà avantage à Vince. Donc là, c'est pas gros, ce qu'on m'en fout. M'en fout, mais je pense que j'ai vraiment besoin de regarder le line-up, là. M'enlever l'avantage. Je pense que c'est clair, là. Mais oui, Romain, il a pas fait son line-up, fait que je peux pas vraiment commenter pour le moment. Fait que. Mais je pense que peu importe qu'est-ce qui fait avantage Marlowe pour cette semaine. David, tu m'as envoyé un snap. C'est qui veut? Oh, l'année des saints, selon Monsieur Cadorette. Il a crissement raison, Cadorette. Ok, ouais. Ok, mes deux cousins s'affrontent. Flying Pelicans contre Paris El Potato. Donc là, on va comparer. Deshaun Watson, Andrew Luck. Plus que ça nous inclut, Watson, je vais mettre ça égal pour le moment. Gurley contre Kareem Hunt. Avantage Gurley. Collins contre McCoy. Je me donner à McCoy cette semaine. Evans contre Brown. Avantage Antonio. Mais Evan, tu prends. Non, c'est Fitzpatrick, fuck that. Avantage Antonio. Amari Cooper contre Juju. Donner avantage à Cooper. Même si contre des bons corners, c'est quand même. Moi. Evan Engram, Greg Olsen. C'est à peu près égal. Puis, devant. L'affaire, c'est Devonta Freeman contre genre Pierre Garçon. Ça, c'est clairement un avantage à Simon. Ça peut être une volée. Ça va être quand même serré. Mais je donne l'avantage aux Flying Pelicans. Que Monsieur Simon Martineau, j'ai pris une victoire week 1. Dernier match-up. Hey, le gros contre Argent, il va être Nick. Drew Brees contre Mariota, avantage à Brees. Mixon contre Drake, avantage Mixon. Barkley, Fournette, à peu près égal. AJ Green contre Hopkins, avantage Hopkins. Demaryius Thomas contre Thielen, avantage Thielen. Burton, Kelsey, avantage Kelsey. Crabtree, Lewis. Avantage de Lewis. C'est comme je te dis, l'équipe à Monette, ils ont pas Mark Ingram. Donc, j'ai l'impression que ce match-up-là va être relativement serré, honnêtement. Je sais que j'ai bâché l'équipe à mon oncle. Mais, d'après, tu sais, je regarde les match-ups et tout ça. Je pense pas que Monette a un très gros avantage, mais je lui donne quand même l'avantage cette semaine. Je pense qu'il va l'emporter par pas beaucoup. Donc, mes picks cette semaine. D-Bags over Sinners. Junkies over Sex Robot. Pogos over Mofo. Pelicans over Perry Hell Potato. Et Argent Votanique au-dessus d'Aile le Gros. C'est des prédictions que, tu veux dire, ben là, c'est la même affaire que. Si tu vas selon tes power rankings, ben ouais, mais c'est mes power rankings du début de la saison. Fait que c'est sûr que je vais prédire les équipes que je pense sont meilleures qui pour gagner. Puis, c'est plus l'année va avancer, plus je vais poser genre cette défense-là sus, cette défense-là est meilleure. Mais week 1, c'est dur à dire. Je sais que la défense des Chiefs sus, je sais que la défense des Raiders sus, je sais que la défense des Vikings est bonne. Mais ultimement, de ce que j'ai regardé dans les match-ups individuels, ça n'a pas eu tant d'impact, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est les prédictions week 1. Ce que je vais faire les prochaines semaines, je vais. À fond, je vais enregistrer mon podcast. Sûrement, j'en ai mardi, quelque chose de même. Je vais recap ce qui s'est passé pendant la fin de semaine, rire de ceux qui ont perdu, féliciter celui à celui qui a eu le 10$ pour le high scoring. Aussi, puis je vais preview les match-ups de la semaine d'après. Donc, ça, je devrais faire ça à chaque semaine. Si des fois il y a un des boys qui est chez nous, peut-être l'enregistrer avec lui, genre Simon, pas Simon, excuse, pas Vince ou Monette ou peu importe qui est chez nous, peut-être faire ça à deux des fois, là, ça pourrait faire changement un peu. Je pense à combien? 45 minutes, c'est quand même bon là. Moi, je suis à Nouvelle-Orléans la semaine prochaine. Je veux dire, ben, en fin de semaine là. Je suis avec Monette, là, on s'en va au LSU samedi, puis Saints-Bucks ce dimanche. Moi, je vais juste revenir lundi soir tard. Fait que si vous avez des questions, puis je vous réponds pas tout de suite, ben, c'est parce que je suis à Nouvelle-Orléans, là. Ben, j'ai hâte, ça va être le fun. Sinon, quand je suis pas parti en voyage, moi, j'ai ma man cave chez nous. Fait que vous êtes tous les bienvenus, là, si vous avez pas nulle part à regarder le football les dimanches. Moi, je pense que je vais souvent Vince puis Monette sur une base régulière, des fois Xav. Fait que si vous êtes down de monter à Saint-Sauveur, passer un après-midi de saleté, ben vous êtes les bienvenus, là, ma porte est ouverte. Puis ouais, c'est ça. Simon Martineau, bonne chance dans ton périple au Midwest, parce qu'il n'y a rien pantoute. Dire salut à Russ de ma part. Don't give up, man. Je suis derrière toi, donne-moi des nouvelles. Ouais, c'est pas mal ça pour cette semaine. Fait que bon week one à tous. Ça va être vraiment le fun. J'ai hâte. N'hésitez pas sur le trash talking, c'est ça qui rend ça agréable. Puis ça, je vous parle la semaine prochaine.